Science CQFD, Natacha Triou. Son portrait faisait la une de la revue Nature en janvier dernier. Gigantopithecus blackie, le plus grand singe que la Terre ait connu. Pourquoi ce gigantesque primate a-t-il disparu de la planète ? Avec ses 3 mètres de haut et ses 300 kilos, le gorille fait figure de poids plume à côté. Ce très grand primate a été découvert en 1938 et 85 ans plus tard, nous n'avons de lui que 4 mandibules et 2000 dents. Une équipe chinoise vient de découvrir que le gigantopithèque est apparu il y a 2,2 millions d'années avant de disparaître il y a environ 250 000 ans. À l'aune de la 6e extinction de masse qui menace aujourd'hui toutes les espèces de grands singes, quelles leçons tirer de son histoire ? Gigantopithèque, échec et primate. Thomas Ngiko, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle dans le département Hommes et Environnement. Et nous sommes en ligne également avec Clément Zanoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléanthropologue, chercheur CNRS spécialisé dans l'évolution des humains et des primates. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, ex-Twitter, sur notre fil at science CQFD, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment le plus grand singe que la Terre ait connu s'est-il éteint ? Sachant que dans ces régions tropicales, l'ADN se conserve mal, quelles sont les méthodes d'analyse utilisées ? Comment faire parler les sédiments ? Et que peut-on apprendre de seulement quelques dents ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, de King Kong au Yeti, en passant par Bigfoot, les singes si gigantesques peuplent les mythes et les folklores. C'est notre archive du jour, nous sommes en 1958. Qu'est en définitive l'homme des neiges ? Pour ma part, je le rapproche d'un grand singe dont on a découvert, il y a quelques années, des restes sous forme de dents. C'est le géologue hollandais Ralph von Koenigswald qui, en fouillant dans des pots remplis d'ossements et de dents dans une boutique de droguistes indigènes, a trouvé des molaires énormes. Et si ces molaires appartenaient à un homme, eh bien il faudrait que cet homme ait 3,50 m à 4 m de haut. Depuis lors, on a trouvé une mandibule de gigantopithèque. On sait que c'est un grand singe. Singe qui vivait, il y a peut-être 100 000 ans à peine, dans les plaines de Chine. J'imagine assez bien que comme le gorille s'est réfugié dans la grande forêt africaine et l'orang-outan dans les forêts de Bornéo et de Sumatra, le gigantopithèque a pu se réfugier dans le massif de l'Himalaya. D'après la trace de ses pas, d'après la forme de ses mâchoires, d'après son scalp, il doit se présenter sous la forme d'un animal qui ressemble assez fort à un gorille ou un orang-outan. On a beaucoup critiqué ce problème de l'homme des neiges en disant qu'il était mal fondé, surtout à cause du caractère fantastique des légendes qui l'entourent. On dit que le Yeti, comme on l'appelle au Népal, est une brute sanguinaire, une sorte d'ogre qui dévore les yeux et les doigts de ses victimes humaines, qu'il enlève des enfants que d'ailleurs il soigne très bien, qu'il assomme des yaks à coups de poing. Eh bien, le caractère fantastique de ces légendes ne doit pas nous arrêter. Ces légendes ont couru de tout temps sur tous les animaux ignorés, et il y a un parallèle saisissant à faire entre le cas du Yeti et celui d'un animal qui était encore très mystérieux il y a un peu plus d'un siècle et que nous connaissons maintenant très bien, c'est le gorille. Voilà la voix du zoologue Bernard Heuvelmans, le fondateur de la cryptozoologie en 1958. Thomas Ngiko, on entend dans cet archive comme la fascination pour les grands singes. Oui, oui, ça a toujours été le cas, à la fois pour les chercheurs et pour le grand public. Et pour un grand singe, il s'agit là pour le coup d'un singe vraiment géant. C'est-à-dire que lorsque von Koenigswald, ce paléontologue allemand, découvre cette troisième molaire, c'est-à-dire cette dent de sagesse, dans une pharmacie chinoise, tout de suite, il se rend compte que c'est un primate et un des caractères uniques à cette molaire, c'est sa très grande taille, d'où son nom, Gigantopithecus. Une réaction vous aussi à cette archive, Clément Zanoli ? Oui, ce que je trouve fascinant, c'est que finalement, il était hypothétisé que le Yeti et tous ces grands singes mystérieux aient pu se réfugier dans l'Himalaya. Alors aujourd'hui, avec toutes les méthodes d'investigation modernes, on sait que le gigantopithèque était un féodé aux milieux tropicaux. Donc, a priori, on peut exclure que le gigantopithèque est le Yeti. Mais voilà, c'est assez fascinant comme limite peuvent peut-être puiser leur source dans effectivement la rencontre avec ces grands singes. Alors des espèces éteintes, on en découvre souvent, pour pas dire tout le temps. Quel est l'intérêt particulier de cette étude, Thomas Sengico? Parce que elle a provoqué un fort enthousiasme dans la communauté scientifique. Pour quelle raison? C'est la taille tout à fait particulière de cet animal qui est unique. Et puis, lorsqu'il découvre cette dent isolée, von Koenigswald ne sait pas bien qu'en faire. Il sait que c'est un primate, ça il arrive rapidement à la conclusion, mais où le placer par rapport à notre propre lignée à nous, hein, par rapport à la lignée humaine. Et d'autres chercheurs vont étudier également ces restes. Alors il en trouve d'autres hein, depuis, en allant de pharmacie chinoise en pharmacie chinoise en Indonésie et en Chine également. Et à partir de ces os de dents, certains vont proposer qu'il pourrait s'agir d'un de nos proches parents, très proches parents, très proches de notre lignée. Alors même que la réalité, c'est sans doute que, c'est même confirmé depuis, qu'il s'agit d'un ancêtre, en tout cas d'un cousin éloigné des orang-outans plutôt. Donc la question était de savoir sa proximité avec nous. Alors sur la base de la morphologie, on arrive plutôt maintenant à la conclusion qu'il s'agit bien d'un cousin des orang-outans actuels. Et puis d'autres analyses chimiques plus avancées, récentes, ont permis d'arriver à la même conclusion. Donc tout ça se confirme. On reviendra justement dans quelques instants sur ces méthodes d'analyse. Clément Zanoli, alors depuis une petite pépite antenne, c'est les petites surprises du direct. Clément Zanoli, pardon. Depuis 1938, on a découvert donc 85 ans de recherche. On a retrouvé près de 2000 dents de ce gigantopithèque, quelques morceaux de mâchoire inférieure. On n'a que ça comme reste fossile. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ce qui fascine aussi à propos du gigantopithèque. On connaît bien son cousin, l'orang-outan. Mais parce qu'il a encore des orang-outans qui vivent aujourd'hui en Indonésie. Mais donc on a une bonne idée de à quoi il ressemble. Mais pour le gigantopithèque, mais à part que ces quelques dents et morceaux de mandibule, on n'a vraiment aucune autre information sur son physique. Et donc ça fait en partie du mystère du gigantopithèque. Alors ce portrait faisait donc la une dans la revue Nature du 18 janvier. Nous aussi, on peut continuer de faire ce portrait, Thomas Ingico. Où vivait le gigantopithèque? Alors principalement en Chine, voire presque exclusivement en Chine, sauf une canine qui a été retrouvée dans le nord du Vietnam, mais bon, à la frontière chinoise. Alors évidemment, à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 300 000 ans, voire même 2 millions d'années, puisque cette espèce a vécu entre 2 millions d'années et 300 000 ans. Les pays actuels n'existaient pas, donc on va dire que c'était dans cette grande zone géographique, principalement d'ailleurs dans le sud de la Chine, c'est là où la plupart des dents ont été retrouvées, mais pas seulement. Et sans doute, comme Clément l'a précisé, sans doute dans un environnement forestier, en tout cas, c'est ce que les études de son environnement, mais également de son alimentation, qui laisse suggérer qu'il mangeait plutôt du bambou dans cette forêt tropicale humide. On a retrouvé sa trace dans le sud de la Chine. Pourtant, Clément Zanoli, ces régions chaudes ne sont généralement pas favorables à la conservation des fossiles. Quelles conditions ont permis la conservation justement de ces restes de gigantopithèques? Oui, en effet, disons que la chaleur intense et l'humidité ne sont pas extrêmement favorables en général à la préservation, hein, que ce soit des ossements ou même des dents. Mais l'avantage, c'est que toute l'Asie du Sud-Est est parsemée de grottes, en fait. Et en milieu fermé, dans les grottes, il y a une température qui est plus stable, un taux d'humidité qui est plus constant. Et donc, la préservation est plus favorisée dans ces endroits-là. Et donc, on a tendance à retrouver énormément de fossiles dans les grottes et qui vont, comme Thomas l'a dit, jusqu'à près de 2 millions d'années. Donc, on a une bonne connaissance, en fait, de toute la faune et de tous les animaux qui ont vécu durant cette période. Thomas Ingico. Précisons qu'on les retrouve principalement dans les grottes, mais ils ne vivaient pas dans les grottes. Ils ont été apportés là par, sans doute, alors en partie par l'environnement, ça peut être des cours d'eau qui amènent jusque dans les grottes, des rivières souterraines qui amènent jusque dans les grottes ces fossiles. Mais aussi, on sait que le porc épic, en tout cas pour les périodes récentes, vers 300 000 ans, a sans doute été un accumulateur non seulement des gigantopithèques, mais d'autres animaux qui vivaient là, tout simplement parce que les porcs épics, pour la croissance et pour la bonne vie de leurs épines sur le dos, ont besoin de se nourrir de calcium et donc vont grignoter tous les ossements. Alors ça, on le sait parce qu'on retrouve quelques ossements, pas de gigantopithèques, mais d'autres animaux, avec des traces de ces incisives, hein, les dents de devant de ces porcs épics sur quelques ossements. Et donc, on sait que le porc épic a été un agent accumulateur. Et c'est d'ailleurs un problème, pour la conservation de ce gigantopithèque. C'est la raison, sans doute, principale, pas uniquement. Il y a l'environnement, l'acidité de l'environnement dans ces régions tropicales humides, mais également le fait que les porcs épics ont grignoté une bonne partie du squelette de ces gigantopithèques. Donc, c'est à cause des porcs épics qu'on n'a pas de squelette complet. Exactement. Mais est-ce qu'on peut espérer quand même en découvrir un jour? Il faudrait retrouver un contexte qui est permis de préserver ces restes-là. Alors, il y a aussi l'acidité des sédiments, mais rien n'est exclu. Hein. On connaît principalement des dents, mais on connaît également quatre mâchoires inférieures. Donc, on a un peu d'os. Par ailleurs, on retrouve dans ces assemblages d'accumulation, principalement par les porcs épics, des ossements par-ci, par-là. Hein. C'est très rare, mais ça arrive. Donc, on peut espérer en trouver. Un squelette complet, c'est... Il va falloir chercher beaucoup. Quelques dents, quelques mandibules. Clément Zanoli, comment à partir de ce peu de choses, on peut réussir à extrapoler un physique global de l'animal, sa taille, son poids? Parce qu'il y a des estimations, en effet, qui vont de 2 mètres, donc un très très gros gorille, à plus de 3 mètres. 300 kilos, je disais aussi dans l'introduction. Oui, c'est très compliqué, notamment parce que les dents ne sont pas forcément très bien corrélées à la taille corporelle. Donc, pour faire simple, nous, les humains, nous avons des petites dents par rapport à notre corps, alors que les gorilles ont proportionnellement des dents plus grandes. Donc, voilà, si on essaye de faire des estimations de la taille du gigantopithèque, on peut avoir aller du simple au double, de la taille d'un gorille à plus du double, et aussi bien en taille qu'en poids. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à estimer la taille réelle du gigantopithèque. Thomas Ngiko? C'est surtout une approximation. On a également quatre mâchoires inférieures hein, qui sont préservées, donc qui montrent aussi ce gigantisme. Hein, si on compare à, vous l'avez mentionné dans votre introduction, à un gorille, on est sur quelque chose, un animal qui fait à peu près 3 fois la taille du gorille, en tout cas pour sa mâchoire. Est-ce que le corps suivait? Suppose, mais ce ne sont que des estimations. Il est vrai que chez les primates, on peut s'attendre à ce que le corps soit suive cette grande taille de la mâchoire. Je précise ça parce qu'on a par ailleurs dans le registre fossile, notamment en Afrique, des carnivores avec des très grosses mâchoires, mais un corps plus petit. Mais on peut s'attendre à ça chez un carnivore qui est totalement spécialisé au niveau de sa mâchoire. Pour les primates, on pourrait s'attendre à ce que le squelette soit comparable à la taille de la mâchoire. Mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve, donc ce ne sont que des supputations. Alors, selon l'étude parue dans Nature, donc les chercheurs ont fouillé 22 grottes, et selon ce papier, les dents du gigantopithèque sont de plus en plus grandes au fil du temps, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a beaucoup changé au cours des siècles. Non, pas forcément. L'augmentation en taille est un phénomène assez connu dans tout le registre animal, quelles que soient les lignées. Donc, on l'observe, c'est chez ce primate particulier, mais c'est pas propre à lui, ça peut être corrélé à l'environnement, mais pas forcément. Alors, là, voilà pour le portrait et les caractéristiques morpho-anatomiques. Clément Zanoli, sur son mode de vie, comment les auteurs ont-ils justement étudié le comportement alimentaire de cet animal? Ils ont eu recours à un grand nombre d'analyses qui sont aujourd'hui des analyses au top niveau, que ce soit donc d'abord des analyses qui sont assez classiques par les micro-usures sur les dents. Donc quand on se nourrit de certains aliments plus ou moins durs, cela laisse des petites traces sur nos dents, et donc en les regardant en microscope, on peut espérer comprendre quel genre d'aliments ont été consommés. Mais aussi en utilisant des analyses isotopiques et des éléments chimiques qui sont vraiment plus pointus et qui, ces éléments se déposent au cours de la croissance des dents. Lorsqu'on mange des aliments, une partie des composants de ces aliments se déposent dans les tissus dentaires en formation. Et à ce moment-là, on peut les retrouver enregistrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne une image au cours de la croissance. Et donc, on arrive à savoir de quoi ils se sont nourris dans les grandes lignes. Hein. Là, quand je dis de quoi ils se sont nourris, on n'arrive pas forcément l'espèce végétale ou le type d'aliment précis, mais on arrive à savoir s'ils se sont plutôt des carnivores, des herbivores. et ainsi à comprendre dans quel milieu ils vivaient. Thomas Ungico. Oui, l'intérêt de certains de cette étude, c'est effectivement le grand nombre de sites réunis ici pour la première fois, et puis la diversité des méthodes employées, notamment des méthodes pour reconstituer l'alimentation, qui est cruciale pour savoir de quoi est mort cette espèce, ce gigantopithèque. Il faut savoir que ce sont différentes méthodes, mais qui n'ont pas la même portée. Qui comparent des choses finalement différentes et qui donnent donc des informations différentes. Les micro-usures dentaires dont a parlé Clément, c'est-à-dire étudier sous le microscope l'émail dentaire et pour voir les traces laissées par les aliments. Donc, globalement, ça va être des cupules, hein, des petites dépressions si vous mangez plutôt des fruits ou des stries à l'inverse si vous mangez plutôt des herbes et des feuilles. Et donc en regardant un peu ce la proportion de cupules et de stries, vous pouvez savoir quel type d'alimentation et de quel type d'alimentation se nourrissait ce gigantopithèque, mais ça ne vaut que pour les quelques mois qui précèdent la mort de l'individu que vous étudiez. Les analyses chimiques dont a parlé Clément, elles permettent à l'inverse, d'étudier l'alimentation sur l'entièreté de la vie de l'individu. Et puis, ils ont effectué par ailleurs d'autres analyses chimiques qui, là, se basent sur les niveaux d'émail, hein, des stries de croissance, en fait, de la dent, hein, la croissance de la dent qui se développe donc avant la naissance de l'individu et juste après, et donc qui permet de savoir le développement, la croissance de cet individu et donc ce qu'il consommait au cours de sa croissance. Donc, à trois niveaux d'échelle, en fait, avec trois méthodes différentes. Justement, comment continuer à faire parler ces dents vieilles de 250 000 ans? Comment faire parler les sédiments? Restez avec nous, on poursuit notre enquête. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, avec Thomas Ungico et Clément Zanoli, nous parlons d'une espèce éteinte du gigantopithèque. Nous venons de voir que ce grand singe est connu principalement en Chine, un singe énorme. Nous venons de parler de ses caractéristiques physiques, de son mode alimentaire. On vient aussi de dire que les fossiles qui sont retrouvés en zone tropicale, l'ADN ne se conserve pas bien dans ces régions. On a donc analysé les protéines prélevées dans l'émail des dents. Cette technique, c'est la paléoprotéomique. Thomas Ungico, quelle est cette méthode plus particulièrement que permet-elle d'obtenir comme information? C'est à peu près le même principe que la paléogénétique, hein, ou la paléogénomique plutôt, comme on l'appelle maintenant, si ce n'est que le génome se préserve difficilement et par ailleurs les cellules produisent des protéines qui elles sont beaucoup plus nombreuses que les brins d'ADN. Et donc plutôt que chercher à étudier le génome qui n'est pas toujours préservé ou extrêmement dégradé, on va privilégier l'étude de ces protéines. Donc par cette méthode que l'on appelle la paléoprotéomique, puisque ces protéines sont plus nombreuses et donc nous permettent finalement d'arriver à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire l'identité par rapport à l'arbre du vivant de ces espèces éteintes. Et c'est ce qui a permis de confirmer donc que ce gigantopithèque était de la famille des orang-outans. Alors justement, comme vous parlez de d'arbres phylogénétiques, peut-être qu'on peut aussi voir ensemble, Clément Zanoli, revenir sur quelques petites précisions avant de parler justement de sa place sur l'arbre phylogénétique. Peut-être un peu revenir sur ce que ça signifie hominoïde, hominidé et homininé, parce que parfois on n'y voit pas très clair avec ces termes qui sont relativement proches. Bien sûr. Alors les relations phylogénétiques, en fait, ce sont les relations de parenté. Et donc, pour faire simple, aujourd'hui, on a des singes, des grands singes, ce qu'on appelle les grands singes, qui sont alors les orang-outans en Asie, et puis les grands singes africains, le chimpanzé et le gorille. Et puis, on a aussi les humains, nous-mêmes, hein, qui sommes de la même famille que les grands singes. Et donc, c'est le principe de la taxinomie et de la phylogénie. Donc, ce sont des termes qui signifient qu'on a une sorte d'arborescence qui nous permet de classer et de faire des liens entre les différentes espèces. Voilà. Thomas Ungico. Oui, on part de l'espèce qui est l'élément de base hein, qui permet de séparer les populations en différents groupes. Et puis, à partir de là, on essaie de regrouper, c'est le principe de l'emboîtement, les espèces par lien de proximité, par affinité, en partant du principe que plus deux espèces se ressemblent, plus elles se sont séparées au cours de l'évolution il y a peu de temps. Et donc, en remontant petit à petit, on va pouvoir définir au-dessus de l'espèce une boîte que l'on va appeler le genre, hein, comme le genre Homo ou le genre Gigantopithecus. Hein, vous voyez, deux genres différents, donc a priori, on n'est pas lié, mais Gigantopithecus n'a pas le même genre d'ailleurs que l'orang-outan actuel, hein, qui s'appelle Pongo, lui. Mais par contre, Gigantopithecus et Pongo appartiennent à un même groupe que l'on appelle les Ponginés, hein, du même nom que Pongo, que l'orang-outan donc. Et au-delà, vous avez l'ensemble de la famille dans laquelle on va retrouver l'homme, avec ce Gigantopithèque et l'orang-outan, et le gorille, le chimpanzé, mais également les gibbons, qu'on appelle les hominoïdes. Voilà, merci de replacer la place de l'humain parmi les primates. Alors c'est donc comme ça qu'on a identifié que les proches parents de Gigantopithèque sont les orang-outans. C'est grâce aussi donc à une étude protéomique, pour retomber sur nos pattes. Oui, c'est ça. C'est mais pas seulement, en fait. On a confirmé, grâce à l'étude des protéines, ce Gigantopithèque appartenait à la famille des Ponginés, donc, en tout cas au groupe des Ponginés, et donc qui regroupe également l'orang-outan. Il faut savoir qu'il existe également des orang-outans fossiles, et d'ailleurs, dans les mêmes sites où on a des Gigantopithèques, on a également des orang-outans fossiles. Donc, il s'agit d'un même groupe, hein, on les réunit sous un même nom, et cette méthode nous permet donc de les regrouper par les protéines, en plus des analyses de morphologie, hein, donc principalement à partir des dents, puisque c'est ce qui est préservé, et permet également d'estimer quand les différents groupes se sont séparés les uns des autres. Voilà. Ces fossiles sont donc trouvés dans des sédiments. Clément Zanoli, qu'est-ce qu'apporte l'analyse sédimentaire ? L'analyse sédimentaire, en fait, c'est ce qui va nous donner tout le contexte. Alors, si on reprend comme une image, on a une boîte et des objets dans cette boîte. Alors, la boîte, c'est le sédiment, et les objets, ce sont les fossiles. Et ces fossiles, ils sont contenus dans le sédiment qui se dépose au fil du temps. Et ce qui est un peu particulier dans les grottes d'Asie du Sud-Est, c'est que ce sédiment peut être remanié, c'est-à-dire que quand il y a des crues qui s'infiltrent dans les galeries, dans les grottes, eh bien, le sédiment est soulevé, redéposé un peu plus loin. Et donc, pour essayer de comprendre un peu le contexte et le sédiment et le lien entre le sédiment et les fossiles, on peut avoir affaire à différents types de datations qui vont dater à la fois le contenant, c'est-à-dire le sédiment, et le contenu qui sont les fossiles. Thomas Ngico. Oui, ces fossiles de Gigantopithèque sont trouvés dans un contexte bien particulier, dans des grottes, bien qu'ils ne vivaient pas là. Donc sans doute qu'ils ont été accumulés là par ce porc-épic, mais peut-être également par des cours d'eau. Et puis une fois dans ces grottes, des poussières, hein, donc des sédiments issus de l'érosion naturelle des surfaces de la Terre, se sont accumulés là et les ont enfouis, ce qui a permis leur conservation. En tout cas, la conservation de ce qui était préservé, ce qui n'avait pas été mangé par ces porcs épics. Et puis, suite à cet enfouissement, on sait qu'il a beaucoup plu dans ces grottes. C'est-à-dire que l'eau s'est infiltrée par le plafond et a percolé jusque sur le sol de la grotte, sur ses sédiments. Cette accumulation en eau, chargée en dioxyde de carbone, après avoir traversé le calcaire de ces grottes, c'est le même processus qui est à l'origine des stalagmites et des stalactites hein, qu'on retrouve dans les grottes, a induré les sédiments qui sont extrêmement, extrêmement durs. Donc on parle de brèches sédimentaires, hein, ces sédiments extrêmement durs, dans lesquels vous retrouvez des faunes très variées et dont il est assez difficile de préciser l'âge exact. Alors, à propos d'âge, pour arriver à donner une estimation de la période d'occupation des gigantopithèques dans les zones identifiées, il faut faire différents types de datations sur les fossiles et sur les sédiments qui les recouvrent. Pour le reportage du jour, nous avons rencontré des experts des datations de fossiles préhistoriques à l'Institut de paléontologie humaine. C'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Natacha, oui, j'ai retrouvé Pierre Voinchet, géochronologue CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui mène des recherches en géologie appliquées à l'étude du quaternaire sur des sites préhistoriques. Dans son laboratoire, hébergé dans les sous-sols de l'Institut de Paléontologie Humaine, il utilise plusieurs techniques pour extraire de l'information des fossiles et en estimer un âge avec des incertitudes associées. Pour des sédiments ou des restes osseux comme les dents, il combine mesures radiométriques basées sur la radioactivité naturelle, mesures paléodosimétriques basées sur la résonance de spin électronique et enfin l'observation à l'œil nu de terrain qui, selon lui, reste la meilleure approche pour appréhender le contexte d'ensemble de manière la plus cohérente et réaliste possible. IPH, c'est une fondation monégasque fondée par le prince Albert Ier en 1900, aux alentours de 1900, parce qu'il était féru d'archéologie, de préhistoire et aussi d'océanographie. Donc en même temps, ici à Paris, il a fondé l'IPH et l'Institut d'océanographie. Donc les méthodes que l'on utilise pour dater un site préhistorique, la première, c'est vraiment une méthode très ancienne, c'est de l'observation, c'est de la logique, c'est l'application des règles de la stratigraphie. C'est de comprendre la géométrie des choses, qui se déposent avant qui recoupe quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on fait dès l'acquisition de la donnée sur le terrain. Donc ici, au laboratoire, nous utilisons essentiellement deux méthodes. Une méthode paléodosimétrique qui est l'ESR, l'Electron Spin Resonance, qui nous permet de travailler sur des minéraux essentiellement, des grains de quartz, de la calcite, et aussi de l'émail dentaire, que l'on peut considérer comme étant un minéral. Et d'un autre côté, on utilise aussi une méthode qui s'appelle l'uranium-thorium, ou les séries de l'uranium, donc une méthode radiométrique qui s'intéresse à la désintégration progressive de l'uranium en thorium et à la quantification de l'un et de l'autre pour déterminer un âge de début de phénomène. On est dans un vieux bâtiment qui, initialement, n'a pas du tout été prévu pour avoir des laboratoires. Les laboratoires sont d'installations un peu plus récentes. Et le meilleur endroit, c'était le sous-sol. Donc, alors, on est où, là ? Alors, nous rentrons dans le laboratoire de datation. Donc, le laboratoire est décomposé en deux pièces. La première que nous avons ici est dédiée aux analyses qui visent à déterminer les quantités de radioéléments que l'on va avoir dans nos échantillons et dans les sédiments que nous ramenons. Donc nous avons trois spectromètres gamma ici, protégés par ces châteaux de plomb que l'on a là. Alors pour bien comprendre, oui, les échantillons, on les prépare quand même, on les met pas. Est-ce qu'on les dissout, on les découpe très finement ? Ça dépend lesquels. Une dent par exemple. Alors une dent... Le mode de préparation, ça va être déjà de la diviser en tissus élémentaires. Une dent, c'est composé de trois tissus, l'émail, le cément et la dentine. Chacun de ces trois tissus va être traité séparément parce qu'ils n'évoluent pas de la même façon au cours du temps. Ils n'incorporent pas de la même façon les radioéléments présents dans l'eau quand la dent se fossilise. Et ces trois tissus ne vont pas être de la même sensibilité aux actions des radiations. Et donc, on ne va pas emmagasiner les choses à la même vitesse. De ce fait, on doit travailler sur les trois tissus séparément. Après, ces différents tissus vont être analysés en spectrométrie gamma dans un premier temps. Une partie, on va la broyer pour pouvoir l'analyser dans la pièce d'à côté en spectrométrie ESR. Et une autre partie va être justement dissoute pour en extraire les éléments radioactifs, ce qui nous intéresse, nous essentiellement l'uranium et le thorium, afin de pouvoir faire une datation des séries d'uranium. Alors on place les échantillons quelque part. Là je ne vais pas les démonter parce que briques de plomb pèsent 11 kilos chacune. Donc on soulève ici cette partie du chapeau du château de plomb. À l'intérieur on a un emplacement cylindrique, on pourrait dire, dans lequel on peut venir glisser notre échantillon. Cet emplacement cylindrique, c'est composé d'un gros cristal artificiel de germanium qui refroidit à l'azote liquide et qui permet de transformer les radiation gamma en électricité, et c'est ce signal électrique que l'on exploite pour dépouiller un peu, savoir quel radioélément on avait à l'intérieur de notre échantillon. Et donc l'information qu'on extrait de ça, c'est une mesure temporelle. Alors on laisse mesurer environ 3 jours par échantillon, on sait quelle masse d'échantillon on a mis dedans, donc on va avoir un taux de désintégration par minute et par gramme d'échantillon, ce qui nous permet de savoir précisément, après par calcul, quel pourcentage, quelle quantité d'uranium, de thorium, de potassium, de radon on a à l'intérieur de notre échantillon. Mais ça, c'est pour avoir juste une partie de l'information. Ce n'est pas une méthode de datation à part entière, mais ça nous donne une partie de l'information qu'on va utiliser pour la date. Et à côté, donc avec les spectromètres ESR que l'on a ici, on a deux, on va travailler directement sur l'échantillon afin de savoir combien de radiations il a reçu tout au long de son histoire. Quand on a les deux grandeurs, on divise l'une par l'autre et on a l'âge de notre échantillon. La chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait ce type de datation, déjà, il ne faut jamais prendre un âge s'il n'a pas de marge d'erreur derrière. Un âge, si on vous dit que tel événement a 255 000 ans, point, c'est faux. Ça ne veut rien dire. Plus ou moins. Il y a toujours un plus ou moins. Parce que, par exemple, le site n'est pas complet quand on va aller faire notre prélèvement, donc on a une partie de l'information qui a disparu, ce qui est souvent le cas dans les grottes à Gigantopithèque, qui ont été fouillées parfois très anciennement, et quand on va faire les prélèvements, il n'y a qu'une petite fraction du sédiment qui est encore en place, donc on n'a peut-être pas toute l'information. Après, il faut voir aussi que quand on applique une méthode de datation, il ne faut pas se cantonner à une seule si on peut faire autrement. Parce que chaque événement que l'on va dater sera différent suivant la méthode que l'on va employer. Je vous parlais de l'ESR sur quartz. Moi, je vais dater le dépôt des grains de quartz qui vont venir baigner les restes. Si quelqu'un travaille sur l'ESR sur dent, lui, il va dater la mort de l'animal. Si quelqu'un d'autre travaille sur la calcite qui est venue fermer la grotte, ça sera encore un troisième événement. Donc, chaque méthode ne va pas dater la même chose. Donc, on ne peut pas comparer directement un âge OSL, un âge ESR, un âge UTH. Il faut combiner les approches. Il faut combiner les approches et bien comprendre ce que l'on date. C'est pour ça que j'insiste, il est important que nous allions directement sur le site, si c'est possible, pour comprendre ce que l'on prélève et comment les choses sont agencées dans l'espace. Parce qu'on ne va pas dater la même chose. Et si on ne sait pas chronologiquement, de façon relative, qui est arrivé avant qui, vu les marges d'erreur, eh bien, on peut complètement raconter une histoire fausse, même si nos résultats sont corrects. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Clément Zanoli, une réaction à cette visite de laboratoire de datation ? Oui, eh bien, Pierre a très bien expliqué ces différentes méthodes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, pour dater des événements passés, on a énormément de méthodes qui sont applicables, la plus connue étant le carbone 14, mais le carbone 14 ne nous permet de remonter que jusqu'à 50-55 000 ans. Or là, comme on l'a dit, le gigantopithèque a disparu il y a plus de 200-250 000 ans. Donc, il faut utiliser des méthodes qui soient adaptées, et donc les méthodes basées sur l'ESR ou sur les séries d'uranium sont appropriées. Et comme l'a indiqué aussi Pierre, on peut dater plusieurs éléments, que ce soit les fossiles eux-mêmes, le sédiment ou même la calcite qui va se redéposer et qui va s'infiltrer dans les sédiments. Et on obtient souvent des âges qui sont relativement cohérents, parfois avec des différences. Et ces différences, il faut les interpréter de manière, je dirais, avec précaution. Parce que la marge d'erreur dont Pierre a parlé, et quand on est sur des datations de plusieurs centaines de milliers d'années, cette marge d'erreur va être de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Donc tout va se recouper. La dent peut très bien avoir été datée à 250 000 ans, le sédiment peut être lui-même aux alentours de 200 ou 220 000 ans, mais avec les marges d'erreur, en fait, on retrouve des âges qui sont plus ou moins similaires. Donc voilà, donc le métier de dateur va devoir prendre en compte tout ça, et combiné à d'autres métiers, les paléontologues et toutes les paléanthropologues qui accompagnent, l'interprétation va se faire de manière globale pour essayer de comprendre à la fois l'évolution des animaux et la construction et le contexte du site. Thomas Ndiko, je reviens sur cette analyse par ESR. Vous l'avez dit, ça nous permet d'aller plus loin que le carbone 14. C'est une méthode qui date des années 80 et là, on n'arrête pas de repousser les limites. On peut remonter jusqu'à 2 millions d'années, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, ils ont en fait utilisé trois méthodes différentes sur du matériel différent, sachant qu'une seule méthode peut même être appliquée sur différents matériaux, comme l'a dit Pierre Voinchet, à la fois sur des dents, voire même de l'os, c'est plus rare, et des sédiments. En fait, L'ESR fonctionne, en tout cas, le même principe que le carbone 14. Son fonctionnement est différent, mais le principe est le même, c'est-à-dire que l'âge que l'on obtient, ce qui n'est pas le cas de toutes les méthodes de datation, l'âge que l'on obtient est celui de la mort, ou en tout cas de l'enfouissement de l'individu, ce qui, quand on parle de 2 millions d'années ou de 200 000 ans, ne change pas grand-chose. On entendait justement dans notre reportage l'importance de combiner les approches et de bien comprendre ce que l'on date. L'équipe de Nature a utilisé 5 techniques différentes de datation, tant aux dents retrouvées dans les grottes qu'aux sédiments qui les entouraient. Selon ces auteurs, donc, après 300 000 ans, il n'y a plus de traces de Gigantopithèque. Comment ce géant préhistorique a-t-il disparu? Qui a tué Gigantopithecus blacki? Restez avec nous, on élucide ce mystère dans quelques instants. Talk de Len Lovitch en direct sur France Culture, car nous faisons parler les singes, ou plus exactement les fossiles du plus grand primate que la Terre ait connu. Nous parlons du Gigantopithèque avec nos deux invités du jour. Thomas Njiko, professeur du MNHN dans le département Hommes et Environnement, et Clément Zanoli, paléanthropologue, chercheur CNRS, spécialisé dans l'évolution des humains et des primates. Nous venons de parler de la protéomique, hein, la science qui étudie les protéomes, l'ensemble des protéines qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que l'ADN. On a vu que l'analyse des sédiments par luminescence permet de savoir quand ces dépôts ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du jour. Les auteurs ont aussi analysé du pollen fossilisé. Thomas Njiko, comment faire parler le pollen? Quelle information nous apporte-t-il? C'est un outil précieux pour reconstituer l'environnement du passé. Toutes les essences qui produisent des fleurs, produisent également du pollen et des grains de pollen. Et chaque espèce produit un type, une morphologie particulière de grains de pollen. Or, ces pollens, qui sont des cellules, se conservent, en tout cas une partie de ces grains de pollen, se conservent extrêmement bien, ou souvent très bien, dans les sédiments. Donc on peut facilement aller collecter des sédiments, les regarder sous le microscope, après les avoir traités un peu chimiquement, pour en extraire des grains de pollen et facilement identifier les différentes espèces d'essences de flore qui étaient là, et à partir de cette composition, reconstituer les environnements dans lesquels les sédiments se sont déposés. Donc c'est assez précieux parce que finalement on peut reconstituer assez finement ces environnements, à ceci près que le milieu doit être conservateur. Or là on parle de grottes, dans ces sites à Gigantopithèque. Or, on sait, plusieurs études l'ont montré, que les grottes sont des filtres naturels pour ces grains de pollen. Ces grains de pollen sont expulsés et se déplacent soit par le vent, soit par les cours d'eau, et tous ne se déplacent pas à la même distance. Donc naturellement, les grottes vont être des filtres et tous les pollens ne vont pas arriver dans les grottes. Par ailleurs, c'est vrai pour l'entrée des grottes, mais là, les brèches sédimentaires, les sédiments qu'ils ont étudiés, se trouvent parfois 140 mètres à l'intérieur des grottes. Donc forcément, tous les pollens, on imagine bien que tous les pollens ne sont pas arrivés à l'intérieur de ces grottes, aussi loin à l'intérieur de ces grottes. Et d'ailleurs, une partie de leurs échantillons, ils trouvent qu'ils ont très peu de pollen, c'est-à-dire une dizaine de grains, ce qui est vraiment très peu, alors même qu'ils devraient très bien se conserver. Donc la vraie question est... quelle est la portée des résultats qu'ils ont obtenus par ces pollens pour reconstituer le véritable environnement? Et à quel point ils reconstituent le véritable environnement et pas un filtre, une représentation de cet environnement par les seuls grains de pollen qui ont pu atteindre ces grottes 140 mètres à l'intérieur? Clément Zanoli. Oui, c'est en effet un outil qui est assez intéressant, le pollen, étudier les pollens fossilisés. Mais comme l'a dit Thomas, il y a plusieurs petits soucis de préservation et aussi de dispersion de ces pollens. Alors malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que là, les chercheurs ont étudié plus de 22 sites différents qui ont des chronologies différentes. Et donc, même s'il y a peu de grains de pollen, parfois pas forcément arrivés dans des mêmes proportions pour toutes les espèces, on arrive quand même à avoir une idée un peu générale du couvert végétal et de la végétation, en tout cas, qui était aux alentours de ces grottes à cette période. Et ça nous permet de comprendre dans quel genre d'environnement, dans quel milieu vivaient le gigantopithèque et les animaux qui étaient là aussi également autour. Mais justement, à quoi ressemblait plus précisément, Clément Zanoli, l'environnement du gigantopithèque? Donc ce que les pollens nous disent, mais aussi ce que, a priori, les éléments chimiques qui sont contenus dans les dents et qui sont issus de l'alimentation du gigantopithèque nous suggèrent, c'est qu'il vivait dans un milieu forestier, type forêt tropicale, et qu'il était plutôt inféodé à ce milieu. Donc, vu la taille et la masse corporelle du gigantopithèque, il devait probablement plus exploiter le sol, les aliments et les ressources qui étaient au niveau du sol, un peu comme le gorille, et moins grimper aux arbres que son cousin l'orang-outan, qui devait probablement exploiter une niche un peu différente, plus dans les branches et en altitude, enfin en hauteur dans les arbres. Et donc ce gigantopithèque, il avait un comportement qui a été assez débattu jusqu'à cet article au niveau alimentaire. Certains lui avaient attribué une alimentation spécialisée dans le bambou, par exemple. Mais finalement, les éléments chimiques et les analyses de micro-usure et l'ensemble des analyses qui ont été conduites dans cet article ont permis de démontrer que très probablement, il favorisait plutôt les ressources riches en nutriments, comme les fruits. Et justement, quand il y a eu des changements climatiques qui ont eu lieu vers 250 000 ans, 290 000 ans, la forêt s'est ouverte, mais surtout le type de végétation a changé. Il y a eu moins d'accès à des fruits et à ces ressources riches. Et visiblement, le gigantopithèque n'a pas su s'adapter, n'a pas su faire face à ces changements, alors que l'orang-outan, lui, a réussi à s'adapter et à manger d'autres types de nourriture. Thomas Ndjiko, en effet, les chercheurs ont découvert que le nombre de dents se raréfiait dans les sédiments les plus récents dataient environ 300 000 ans. On a donc une fenêtre d'extinction de l'espèce entre 295 000 et 215 000 ans. Mais à quoi correspond cette période? Il s'agit effectivement d'une ouverture du paysage, c'est-à-dire moins d'arbres qui deviennent plus rares. Alors ça peut être le remplacement d'une forêt tropicale humide par une forêt avec une saison sèche, ou simplement un assèchement sur l'ensemble de l'année avec les arbres qui disparaissent. C'est selon les auteurs la raison. Alors ce changement apparaît vers 700 000 ans en fait. Il se met en place vers 700 000 ans avec ces gigantopithèques qui disparaissent un peu après 300 000 ans, ce que l'on avait par ailleurs déjà daté sur deux autres sites de la même région. Et les auteurs donc supposent que ce changement climatique qui apparaît vers 700 000 ans et puis qui s'intensifie jusqu'à la disparition des gigantopithèques est à l'origine de la disparition de ces grands singes. Alors, effectivement, leur hypothèse, c'est que ces gigantopithèques n'ont pas pu s'adapter à ces changements d'environnement. Donc, d'un côté, ils ont essayé de reconstituer l'environnement. J'ai quelques réserves sur la portée de leur constitution, hein, notamment entre 2 millions d'années et 700 000 ans, ils n'ont que 3 échantillons avec des grains de pollen préservés. Donc ça fait assez peu pour modéliser une forêt tropicale humide qui serait permanente sur plus d'un million d'années, sur 1 300 000 ans. Et par ailleurs, de l'autre côté, ils ont analysé le comportement de ces gigantopithèques, on en a parlé, de l'alimentation. Et comme Clément l'a dit, ils arrivent à la conclusion que les deux n'ont pas changé. En fait, ce que montrent leurs analyses isotopiques, c'est plutôt certainement, effectivement, l'interprétation qu'ils en font d'ailleurs, c'est une occupation différente de la niche écologique, les gigantopithèques plutôt au sol, mais comme les gorilles mâles actuels qui ne grimpent pas aux arbres tout simplement parce qu'ils sont trop lourds. Donc on pouvait tout à fait s'attendre même avec les gigantopithèques. Donc là, cela semble confirmer ça. Et puis des différences en termes de... Donc pas de différence au niveau des éléments chimiques du carbone, mais des différences au niveau, entre gigantopithèques et orang-outans, mais des différences au niveau de l'oxygène. Et ça, c'est bien connu chez les primates. Ça veut dire que vous avez une différence d'espace au niveau de la forêt, avec ceux qui sont au sol et ceux qui sont dans les branches terminales plus en haut, ce qu'on appelle la canopée, qui serait plutôt occupée par les orang-outans. Donc leur étude confirme plutôt ça, plutôt qu'un changement de comportement en fonction d'un changement d'environnement. Bah, ce changement climatique, Clément Zanoli, tous les autres grands singes ont réussi à survivre à ce changement climatique, mais pas lui. Pour quelle raison ? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le gigantopithèque, on l'a dit un peu en début d'émission, a des dents qui ont tendance à grandir au fil du temps, de génération en génération. Les gigantopithèques ont des dents de plus en plus grandes. Donc, ça suggère une taille corporelle qui a grossi également. Alors, pas forcément de manière disproportionnée, mais tout de même, on a des individus qui sont probablement de plus en plus grands. Et les ressources alimentaires vont s'amenuiser au fil du temps, dans la période vers 300 000 ans, 250 000 ans. Donc, ces individus plus grands ont besoin de beaucoup de nourriture et de nourriture riche, vont se retrouver dans un environnement qui s'appauvrit. Et donc, étant très spécialisés pour se nourrir de fruits et d'aliments qu'ils trouvent au niveau du sol, quand ces aliments disparaissent, ils vont se retrouver finalement dans une situation où ils ne vont plus pouvoir se nourrir et donc périr. Ça veut dire, Thomas Ndjiko, que sa grande taille a été un désavantage dans cette adaptation au nouveau climat ? C'est en tout cas l'hypothèse qu'ils en font. Après, on connaît pour des périodes récentes, alors un peu plus récentes que la date de disparition du gigantopithèque, l'extinction de nombreux géants sur Terre, sur tous les continents. Et longtemps, on s'est posé la question de la raison de la disparition de ces géants. Alors, est-ce que le gigantopithèque est un des premiers à disparaître ? Je ne sais pas. Est-ce que Clément Zanoli, est-ce qu'on peut dire voilà, que le gigantisme est donc un désavantage dans l'évolution ? Non, pas forcément. Et là encore, ça dépend du milieu. Et ce qui s'est passé ici avec le gigantopithèque, c'est probablement lié en partie à sa taille démesurée, mais aussi à sa spécialisation, à son hyperspécialisation. Le gigantopithèque devait probablement avoir un type de nourriture bien précis dont il dépendait. Et quand cette source de nourriture s'est tarie, eh bien, finalement, c'est là où il s'est retrouvé sans pouvoir survivre. Et il y a un autre facteur potentiel, c'est que la forêt dans laquelle il vivait s'est amoindrie, a formé des plus petites parcelles, et donc les populations de gigantopithèques ont pu se retrouver un peu isolées. Et quand on se retrouve avec des populations isolées, on a de la consanguinité, et là aussi, on arrive à des effets d'extinction. Alors, selon les auteurs, cette étude peut avoir des implications sur la préservation des grands singes qui existent toujours, comme les orang-outans ou encore les chimpanzés. De quelle façon ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Comment le gigantopithèque, le plus grand singe que la Terre ait connu, s'est-il éteint ? C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Thomas Ndjiko et Clément Zanoli, en direct sur France Culture. On vient de voir que le gigantopithèque évoluait il y a 2 millions d'années. Il évoluait à ce moment-là dans une forêt très dense. Puis, avec un changement climatique il y a environ 700 000 ans, les écosystèmes forestiers ont peu à peu laissé la place à des plaines et les ressources alimentaires se sont raréfiées. Selon les auteurs de cette étude, parue dans Nature, Thomas Ndjiko, ces résultats peuvent avoir des implications sur la préservation actuelle des grands singes. De quelle façon ? On sait effectivement que les grands singes sur toute la planète, en tout cas les plus grands d'entre eux, c'est-à-dire chimpanzés, gorilles en Afrique et puis l'orang-outan en Indonésie, dans l'île de Sumatra et dans l'île de Bornéo, sont en état critique, en danger d'extinction, pour une raison très simple, c'est en Afrique, ils peuvent être chassés, ça peut être de la viande de brousse, et puis en Asie, mais également en Afrique, on a un environnement qui change extrêmement rapidement. Là, on a l'exemple du gigantopithèque qui aurait disparu du fait d'un changement climatique qui, je le rappelle, se met en place il y a 700 000 ans, qui s'accroît en termes d'assèchement de l'environnement sur 400 000 ans pour arriver à l'extinction de ce gigantopithèque vers 300, 250 000 ans. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais tout de même, ce grand singe a disparu. Or là, on observe aujourd'hui, avec les grands singes actuels, un changement de l'environnement extrêmement plus rapide, puisqu'on l'observe nous-mêmes à notre échelle, que ce qui s'est passé pour le gigantopithèque, donc on peut s'alarmer pour les grands singes. Et les trois espèces d'orang-outans sont classées en danger critique d'extinction par l'UICN. On estime que la population d'orang-outans de Bornéo a baissé de 60% en 60 ans, que le nombre d'orang-outans de Sumatra a diminué de 80% en 75 ans, Clément Zanoli. Oui, si on fait le parallèle avec le gigantopithèque a mis près de 400 000 ans finalement pour que sa population soit réduite au point de l'extinction. Nous, ce qu'on observe pour les orang-outans, malheureusement, c'est qu'en l'espace de moins d'un siècle, on arrive à une population critique qui est proche de l'extinction pour l'orang-outan. Donc là, on a des phénomènes qui sont à une échelle de temps extrêmement accélérée. Et qui peuvent aussi s'enchaîner et conduire à l'extinction de nombreuses espèces à l'avenir. Est-ce que une question qu'on n'a pas abordée ensemble par rapport à l'extinction de cet ancien primate Thomas Ngiko, est-ce que Gigantopithecus qui s'éteint à l'époque ou Homo erectus qui commence à migrer vers cette région, est-ce que c'était une coïncidence ? Non, sans doute pas. En tout cas, cette étude ne le montre pas. Ce serait le seul cas où Homo erectus serait lié à l'extinction, en tout cas directe, d'une espèce fossile, sachant que Homo erectus est présent depuis aussi longtemps dans la région que le gigantopithèque. Le Homo erectus arrive vers 1,8 million d'années, voire même peut-être avant, puisqu'on a des outils en pierre taillée qu'on suppose être le fait d'Homo erectus, dès 2,1 million d'années en Chine. Donc pendant longtemps, ils ont sans doute cohabité. Non, ça reste un vrai mystère, pourquoi il s'est éteint. Peut-être que les auteurs ont raison, je pense qu'il faut continuer les recherches, puisque vous avez dans les mêmes sites à Gigantopithèque des orang-outans, mais également des pandas, dans des formes fossiles, mais qui ont également existé et qui ont survécu, et qui sans doute étaient dans des environnements semblables. Et pour conclure, Thomas Ngiko, concrètement, comment la connaissance fine des mécanismes d'extinction des espèces anciennes peut-elle nous permettre d'affronter cette sixième extinction de masse aujourd'hui ? Essayer de voir le rôle entre, effectivement, ces changements climatiques, ces changements environnementaux. Alors là, on parle de changements environnementaux naturels, mais quand on parle de l'orang-outan tout à l'heure, on parle de changements environnementaux induits par l'homme, l'ouverture de la forêt pour planter pour collecter l'huile de palme à Bornéo, c'est la raison de l'état critique de l'espèce des populations d'orang-outans. Donc essayer de voir la part du naturel pour mieux calculer la part de l'anthropique sur l'extinction des espèces. Dans quelques instants, nous allons écouter la chronique d'Alexandra Delbo avec sa chronique Avec Science. Mais merci beaucoup Thomas Ngiko et merci Clément Zanoli. On retrouve Alexandra Delbo qui aujourd'hui nous parle de la découverte d'un gisement de fossiles et d'animaux bizarroïdes. Un gisement de fossiles exceptionnel a été découvert dans le sud de la France. Et des gisements fossilifères, en fait, il y en a partout, en France et ailleurs. Et où qu'ils soient, ils ne capturent qu'une infime partie de la biodiversité de départ. Parce que pour qu'un fossile se crée, il faut des conditions particulières. L'animal qui vient de mourir doit être recouvert très rapidement par des sédiments pour empêcher l'oxygène de tout dévorer. Et ensuite, progressivement, les tissus durs, comme les os, les carapaces, les coquilles, se minéralisent. En clair, le squelette se transforme en roche. C'est ce à quoi on fait référence habituellement quand on parle de fossiles. À peu près 99% des gisements fossilifères contiennent des tissus durs devenus des roches. Mais dans de très très rares cas, les tissus mous peuvent aussi se fossiliser avec des pattes, des appendices ou des tubes digestifs par exemple. C'est ce qui est appelé un gisement à préservation exceptionnelle. Ce site de Cabrières dans l'Hérault en fait partie. Et la seconde particularité de cette découverte, c'est qu'elle implique des amateurs. Bertrand Lefebvre est chercheur CNRS au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement. Et co-auteur de l'étude parue dans Nature, Ecology and Evolution. C'est un couple, Sylvie et Eric Monseret, Elle est enseignante en histoire-géographie en collège. Et lui, donc, il est ingénieur chez Enedis. Donc, c'est pas du tout universitaire ni chercheur. Mais tous les deux font partie d'une société savante, hein, société d'études scientifiques de l'Aude, à Carcassonne. Deux vrais passionnés. Mais au-delà de la passion, il y a toute une tradition, je dirais, depuis quasiment 120, 150 ans, en Montagne Noire, de gens qui se forment les uns par les autres grâce à ces sociétés savantes, qui ont une connaissance du terrain extraordinaire. Et c'est pas du tout en promenant leurs chiens dans les vignes sans tomber sur le gisement. En fait, ce secteur de Cabrières, c'était historiquement, à la fin du 19e siècle, l'endroit en France où on a trouvé les plus anciens animaux des temps géologiques, et qui est tombé dans l'oubli, je dirais, au cours du 20e siècle. Les paysages ont changé aussi. Maintenant, tout est boisé. Donc, c'est très difficile d'accès, et pour retrouver les gisements, c'est très compliqué. Et c'était un peu le challenge que s'était fixé Eric et Sylvie, qui avaient accès donc à tous les anciens documents. Ils ont pu retrouver des gisements. Et là, c'est tout le talent d'Éric et Sylvie d'avoir alerté donc la communauté scientifique quand ils ont trouvé des choses qui ressemblaient quand même à des choses vraiment bizarres qui, normalement, ne sont pas fossilisées. On sait que les animaux sont apparus il y a 540 millions d'années, dans une période qu'on appelle le Cambrien. C'est à ce moment-là que les êtres vivants se sont parfois dotés d'un squelette. Et bien que cette période géologique soit très ancienne, très reculée, on dispose, et c'est assez paradoxal, de nombreux gisements fossilifères, dont certains même à préservation exceptionnelle. Donc, on connaît bien ce qui se passe au tout début de l'histoire, quand les animaux apparaissent, mais après, on perd un peu le fil. On manque de matière pour suivre l'histoire évolutive des espèces. Cette nouvelle étude, en plus d'être un gisement exceptionnel, apporte un jalon supplémentaire à nos connaissances parce que ces nouveaux fossiles datent de 470 millions d'années, soit la période juste après le Cambrien, l'Ordovicien. À cette époque, les continents ne sont pas à la même place. Montpellier se trouvait à peu près au pôle sud et donc le sud de la France, comme le reste de la planète, était peuplé d'animaux étranges. Parmi les animaux les plus étonnants, on a ce qu'on appelle des lobopodes. Alors, les lobopodes, ce sont des animaux qui ressemblent en gros à des vers, mais avec des pattes, et qui possèdent des plaques sur le dos. Ces plaques peuvent être de simples plaques, ou parfois formées de grands pitons, plus ou moins allongés. Ce groupe est à l'origine de tous les arthropodes qu'on connaît actuellement. Donc, aussi bien les crabes, les araignées que les limules. Et c'est des animaux qui, quand ils ont été découverts, initialement donc au Cambrien, posaient de vrais problèmes d'interprétation, parce qu'on n'avait rien d'équivalent dans la nature actuelle. Et l'espèce la plus emblématique, ça s'appelle Hallucigenia. Donc les collègues étaient assez perplexes, ils ne savaient pas si l'animal marchait sur des pattes molles avec des piquants vers le haut, ou inversement, s'il marchait sur des échasses et des espèces de tubes sur son dos. Et donc là, il a fallu quand même pas mal de dizaines d'années pour comprendre comment cet animal, donc où était le haut et où était le bas. Donc ça, c'est des animaux complètement étonnants, qu'on ne connaissait qu'au Cambrien, et dont on a pas mal de représentants maintenant sur le site de Cabrières. Il y a plein d'autres animaux comme ça très étonnants. Il y a des groupes d'éponges très primitives, il y a des vers, et tous ces animaux, on les retrouve à la fois dans le Cambrien et au début de l'Ordovicien maintenant. Ce site de Cabrières et ses fossiles bizarres à tissu mou nous offrent donc un pont entre deux périodes géologiques et permet de mieux comprendre la diversité des espèces juste après l'apparition des premiers animaux. Et c'est aussi un merveilleux exemple de collaboration entre amateurs et académiques. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque ce n'est que le début de la fouille. Il faut à présent extraire, niveau par niveau, ces faunes marines pour espérer découvrir de nouveaux spécimens, voire de nouvelles espèces. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lausanne. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.